50 languages. 5 البلدان واللغات. Pays et langues. Pays et langues. John من لندن. Jean est de Londres. Jean est de Londres. لندن تقع في بريطانيا العظمى. Londres est située en Grande-Bretagne. Londres est située en Grande-Bretagne. هو يتكلم الإنجليزية. Il parle anglais. Il parle anglais. Maria من مدريد. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. Madrid تقع في إسبانيا. Madrid est située en Espagne. Madrid est située en Espagne. هي تتكلم الإسبانية. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. Peter et Martha من Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. Berlin تقع في ألمانيا. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هل تتكلمان الألمانية؟ Parlez-vous tous les deux allemands? Parlez-vous tous les deux allemands? London عاصمة. Londres est une capitale. Londres est une capitale. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. العواصم كبيرة وصاخبة. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. France تقع في أوروبا. La France est située en Europe. La France est située en Europe. مصر تقع في أفريقيا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. اليابان تقع في آسيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. Canada تقع في أمريكا الشمالية. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Panama تقع في أمريكا الوسطى. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud.